Bah allez, c'est bon. Ta gueule, sérieux. On va commencer sur un ta gueule. C'est celle qui a commencé. C'est ça le pire, c'est que rien. J'ai entendu le ta gueule assez net pour quelqu'un qui a rien dit. Ça y est, cette fois on peut y aller. Voilà, bienvenue dans notre nouvel épisode de Podcorn. Cette fois on parlait chacun de nos films cultes. Donc du coup on va se... Comment on pourrait dire, se découvrir un peu plus. J'attendais la flexion de Raph ou Julien, c'est les deux seuls qui n'ont rien dit. Ben voilà. Vous, parce que y a rien à dire là. Bah, je sais pas, se découvrir un peu plus avec toi, je m'attendais à tout. Oui, mais j'ai pas dit parce que c'était... Je savais que tu attendais que. Bon, réagisse. En mais tout cas, donc aujourd'hui on a Julien évidemment. Hello. Émilie. Bonjour. Raphaël. Salut. Ah, c'est bien aujourd'hui, t'as pas fait téléphone rose. Merde. Ouais, refais le téléphone rose. Refais Bacri. Bacri en téléphone, ouais. Ça pourrait être drôle. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce jour? Donc Héloïse aussi. Salut. Et Walid. Bonjour. Et moi. Bah, voilà. Bonjour. Oui, bah bonjour. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Émilie, tu attaques? Allez. Alors, du coup, moi je vais vous parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est la seule fois où je le dirai vraiment en entier, hein, parce que c'est... Ah, j'ai mal enregistré, est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît, un tout petit peu plus fort. Articule, parce que c'est dur l'anglais. Alors, donc en fait, c'est une citation de Alexander Pope, à la base, et ça veut dire « l'éclat éternel de l'esprit immaculé ». Donc sinon, c'est un film de 2004, de Michel Gondry, qui pour moi est un des chefs-d'œuvre de ce réalisateur. Donc c'est un film dramatique science-fiction avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst entre autres. Donc le pitch, donc c'est ça parle en fait d'une histoire d'amour entre Joël et Clémentine, somme toute banale. C'est vraiment les hauts, les bas d'une relation. Et entre autres, c'est au début une rupture entre ces deux protagonistes. Et Clémentine décide de se faire effacer tous les souvenirs qu'elle a de sa relation avec Joël. Donc c'est un moyen qui existe qui s'appelle le Lacuna. Hein, qui existe uniquement dans le non, dans bien le sûr, film. Bien sûr, bien sûr. Mais non, faut préciser. C'est moi, mais non, mais la phrase d'Emilie était. T'as vu comment il est dans le film. Qui fait ça, je dis la Kuna Matata. Ta gueule, toi. Donc, c'est un système très scientifique avec système d'électrodes, de l'informatique. Enfin, c'est assez spécial dans. Enfin, c'est très Gondry aussi. C'est très Gondry parce que c'est. Ça fait un peu carton, ça fait... Il mélange plein de genres, enfin bon, voilà. Donc, elle décide de se faire effacer la mémoire de cette de toute cette relation. Et en fait, Joël, quand il va la voir pour la Saint-Valentin, pour lui donner un cadeau, en fait, il s'aperçoit qu'elle fait comme si elle ne le connaissait pas. Et parce que, bien sûr, il n'est pas au courant qu'elle s'est fait effacer toute cette histoire. Et en fait, Joël va décider de faire de même. Donc, il va aller voir la société et les médecins pour qu'ils fassent le même process sur lui. Voilà. Et en fait, pendant le process, il se rend compte qu'il veut pas oublier en fait, qu'il veut pas oublier parce qu'il y a eu plein de mésaventures, plein de en fait, il se rend compte qu'il l'aime et en fait, il veut se rattacher à ce qui lui reste de souvenir. Et bah, malheureusement, il va tout oublier. Donc, je vous raconte un peu la fin aussi. Oui, bah vas-y, spoil ouvertement. Voilà. Donc, en fait, ils vont se rencontrer une deuxième fois, forcément, mais pour eux, c'est la première. Et Kirsten Dunst, dans le film, je ne sais plus comment elle s'appelle. Marie. Qui est la secrétaire du cabinet médical, on peut dire ça comme ça, va se venger parce qu'elle-même a vécu une relation avec le docteur qui fait ce procédé. Et elle va décider de renvoyer tous les enregistrements par cassette audio au propriétaire qui sont fait passer la mémoire. Et donc on a cette scène On a Joël et Clémentine qui sont dans la voiture. Clémentine vient de recevoir cette cassette. Elle met la cassette dans la voiture où est présent Joël. Et du coup, il y a un gros malaise. Voilà. Et donc, en fait, ils décident finalement... En fait, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que ça parle d'amour, ok, mais c'est surtout quelque chose qui est une connotation fataliste mais optimiste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont revivre leur amour, mais avec la conscience de ce qui les menace, c'est-à-dire ce dont ils se plaignaient, l'ennui, la routine, la lassitude. L'autre énerve, enfin, ils s'énervent mutuellement. Là, on a un Jim Carrey qui est très dépressif, qui a un côté, pour lui, c'est vraiment un rôle dramatique. Et Kate Winslet, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude non plus de la voir comme ça. Elle est complètement délurée. Elle change de couleur de cheveux. Elle passe du vert au bleu, orange. Enfin bon, c'est et justement cette ce côté un peu folle qu'elle a, ça nous aide aussi à comprendre l'histoire, le côté temporel des choses, parce qu'il y a énormément de flashbacks dans ce film, il y a énormément de... Enfin, on ne sait plus trop où on est, et en fait, par sa couleur de cheveux, moi, ça m'a aidé à comprendre où on en est de l'histoire, est-ce que c'est avant d'avoir effacé, il y a tout un côté... très esthétique, comme je disais, l'esthétisme, les flashbacks, la musique aussi. La musique, c'est John Brion et Beck qui viennent couronner un peu le côté dramatique. C'est très poétique, c'est... À un moment donné, on les voit se réveiller dans un de leurs souvenirs. Il essaye de mettre Clémentine dans ses souvenirs, dans des endroits... de sa tête où elle n'était pas là pour essayer de la garder au maximum et de pas, enfin c'est à la fois très psychologique et on les voit se réveiller dans un lit qui est en plein milieu sur une plage, enfin c'est tout est décalé quoi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre, alors l'acteur qui était pressenti pour être à la place de Jim Carrey, c'était Nicolas Cage. Ouais, la grande question, aurait-il eu des cheveux? Ah, alors ça, on ne sait pas. Il avait changé de couleur de cheveux, Nicolas Cage, ça aurait pu être fun. Pourquoi n'a pas été pris? Bonne question. Il devait faire les ailes de l'enfer. En 2004? C'était déjà fait. Ouais. Superman, peut-être, en 2004. Donc, qui a vu ce film, du coup? Bah, moi. Oui. Tout le monde, à part Julien, peut-être. Non, mais je suis spoilé. Tu l'as jamais vu, toi, Walid? J'avais vu au cinéma. Ouais, moi aussi, j'avais vu au cinéma. J'ai un très bon souvenir, je me souviens plus tant que ça. Ouais. C'est le rythme dont je me souviens, c'est que ça va vite quand ils... Ça, c'était plutôt pas mal quand ils essaient d'échapper, justement, au souvenir qui s'appelle l'effacement, et c'est assez rythmé, ouais, c'est assez prenant et tout, ouais. Ça, c'est un beau film, même. Hein. Ouais, ça fait un peu la course... C'est un peu la course... à l'oubli, quoi. Enfin, c'est... Et en fait, c'est vraiment hyper fort dans le sens où ils savent tous les deux qu'ils sont faits l'un pour l'autre au final, mais que même si elle sait et lui aussi. Sait, voilà, que de toute façon, c'est la vie, c'est hyper concret, et que c'est ils sont hamsters l'un et l'autre, et malgré tout, ils savent qu'à un moment donné, ça va être. Mais finalement, le savoir, c'est pour ça que je dis que c'est un peu fataliste. Pour une fois, on a quelque chose d'assez objectif en fait, et d'assez réaliste dans ce genre de film. Enfin, d'habitude, c'est l'histoire, ils vivent heureux et tout blabla. Et... Ou alors, c'est complètement horrible et c'est que des mésaventures. Mais là, c'est vraiment un côté hyper, hyper concret en fait. On se rapproche de la vraie vie quoi. Moi, je l'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me repérer en temps. Quoi. Ouais. Il était pas mal. Je recommande du coup ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et tout le monde a écouté bien sagement, dis donc. T'as vu Je suis épaté. Ouais, parce que comme je ne connaissais pas beaucoup, j'ai eu quelques petits extraits, mais je ne connaissais pas beaucoup, du coup. Ouais, donc quand l'élément perturbateur est calme, en fait, c'est bien la pop, c'est toi l'élément perturbateur. Oh non, toi, tu t'as cherché la merde un peu. Ouais, c'est vrai, ça. Hey, j'ai rien dit, là. Moi aussi, tu m'as lancé des petits regards, genre coquin, là. C'est à cause de ton verre d'eau, ça. Ouais, oui, enfin bon, quand même, quoi. Enfin bon, n'empêche que moi j'ai revu le film hier, et ça, ce qui m'a frappé, c'est que c'est aussi un film sur le deuil, et l'acceptation du deuil, parce que ça commence par le déni, la colère, il essaye de négocier après, et au final il l'accepte. Donc ça ressemble quand même beaucoup aux 7 passages du deuil, je sais plus ce que c'était, les 3 qui manquent, mais... L'acceptation, c'est la fin. L'acceptation, c'est à la fin, je sais, le déni et la colère, c'est au début, mais... Il m'en manque entre les deux. Mais à un moment, il essaye de négocier aussi, dire « je peux pas en garder juste un, voilà. » Et des fois, je... Voilà. Fine analyse. Et des fois, je suis plus fin que d'autres. Il cherche aussi, hein. Il y a quand même un truc horrible dans ce film. La coupe de cheveux de... Absolument, c'était une catastrophe. Ah bah oui, ça va vraiment... Ouais, c'est pas pire que les couleurs foireuses. Hyper sobre, rationnel. Ça faisait Nicolas Cage, hein, un peu. Ah, oui, mais à l'époque, il y en avait encore quelques-uns. Ah, laissez-le tranquille, Nicolas Cage. Il vous a rien fait. C'est dingue. Non, mais c'est parce que j'ai vu Les Ailes de l'Enfer. Ça m'a perturbé. Sinon, on en fait une saga, Nicolas Cage. Ah ouais, ça serait fun. Vraiment, il vous manque tant que ça. Nicolas Cage dedans. Enfin, ça aurait été moins... Non, moi non plus. On le sort plus souvent que Chuck Norris, quand même. Ouais, c'est vrai que Nicolas Cage, il y a bien son... Mais en même temps, tu l'as pris dans tes films aussi. Tu cherches. Dans quel film? Bah, La Cité des Anges. Ah, c'est pas faux. Ah bah oui. Ah oui, mais enfin bon, je fais un petit côté romantique. Ouais. C'est chronique. On pourrait faire un spécial Nicolas Cage, ça serait fun. Ouais. Cheveux longs. Hein? Toutes les longueurs de cheveux aussi. Ouais, en fonction de ses cheveux, on commencerait du plus court au plus long, et je pense que ça serait rigolo. Ouais. En ce jour de la Saint-Valentin 2004, c'est une fête inventée par les fabricants de cartes de vœux pour faire flipper les gens. Je suis pas allé bosser aujourd'hui. J'ai pris un train pour Montauk. Je sais pas pourquoi. Je suis pas quelqu'un d'impulsif. Je crois que j'étais déjà miné en me réveillant ce matin. Faut que je fasse réparer ma voiture. Bonjour Cindy, c'est Joël. Joël, dis, je me sens pas très bien aujourd'hui. Non, un truc que j'ai mangé, je pense. On se les gèle sur cette plage. On te toque en février. Bien joué, Joël. J'ai déchiré des pages. Je m'en souviens pas. Apparemment, ça fait 2 ans que j'ai pas écrit une ligne dans ce journal. On attache beaucoup d'importance au sable, alors qu'en fait, ce ne sont que des tout petits cailloux minuscules. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais il y a peu de chances que ça m'arrive, étant donné que je suis incapable de regarder une femme que je connais pas dans les yeux. J'aurais peut-être retourné avec Naomi. Elle était gentille. Gentille, c'est bien. Elle m'aimait. Non, je pensais qu'il parlait à moi, j'y vais. Non, c'est pas toi pour une fois. Mais moi, je suis parano, à chaque fois qu'il gueule, c'est moi. Donc, pour une fois, c'est pas toi. C'est pas moi. Putain. Bon, bah, du coup, tu vas chez ton verre et tu vas nous causer, monsieur Raph. Ah, c'est moi, finalement. Ah non, c'était toi. Ah, ouais, pardon, autant pour moi. Ah, non, mais comme. Du coup, on enchaîne sur un deuxième film romantique, du coup. Voilà, du coup, on va enchaîner le romantisme avec Julien. Second film romantique, finalement. Ton second film romantique, oui. Exactement. Alors, bon, moi, je vais vous parler de Braveheart. On est dans le romantisme le plus pur. Complètement. Au moins au début. Ouais. Droit de cuissage au début. En effet, j'ai l'impression que c'était très romantique. C'est très romantique. C'est pas tout à fait le début, ça, le droit de cuissage encore, mais ça va être. T'as déjà une heure de film dans la gueule, comme ça. Ça viendra. Une sur les 8 heures du film. C'est ça. Après, à la fin, t'as l'arrachage de testicules à la pince aussi. C'est romantique. Sympa. Bon, t'as vu ça un peu? Ah, pardon, j'ai spoilé la fin. Oh putain, tout le monde sait qu'il va mourir maintenant, c'est dingue. C'est pas l'eau. Je me souviens pas qu'il se fait masculer et tout. Non, je sais plus s'il se fait masculer. Non, il se fait ouvrir le bide à la serpette. Ouais, c'est ça. Il ouvre le bide à la serpette et après il la retourne dedans. On voit rien, c'est. Non, on voit rien. Liberté! C'est ça, dis un dernier mot, liberté. Voilà, bon bah voilà, on passe au suivant. En même temps, c'est dans les livres d'histoire pour les Écossais. Ouais, alors. Heureux qu'il n'y a pas d'Écossais ici. On va en parler là, mais on va dire que le Braveheart, là, sur ce coup-là, c'est inspiré, donc, du fil de l'histoire de William Wallace, mais on va dire que ça a été. C'est historiquement discutable? Ouais, largement, on va dire. On va dire largement, mais très largement discutable. Ouais, bon, on va en reparler un peu. On va en reparler à la fin. Mais donc, bon, c'est une, l'histoire, donc, de William Wallace, c'est. T'as dit Marcellus tout à l'heure. Hein. Marcellus. Marcellus Wallace. J'ai dit Marcellus? Marcellus, non, j'ai pas dit Marcellus. Si, du Marcellus. Non, ouais, ça a été enregistré, t'inquiète pas. L'histoire de... ouais, William Wallace, la bête. Marcellus Wallace et Grosse Bite. C'est ça. Tu cherches, alors là, c'est l'histoire de Wallace et, ah, et Wallace et Grosse Bite. Ah merde, je me suis trompé de film. Il y a du découpage. Non, ça je vais le laisser, ça va. Oh merde. Ah vas-y, l'histoire de Marcellus Wallace. Donc. Voilà, Marcellus Wallace. Ouais. Le début, donc, c'est. Ouais, pareil, là, je pense que... Voilà. L'histoire se déroule à la fin du XIIIe siècle. Très important. Vous allez comprendre pourquoi. À la fin. Parce que la serpette, elle est rouillée. Ouais, en plus. Une très vieille serpette. Donc, c'est sous la domination donc, des Anglais dans le sud de l'Écosse, qui est mené par Édouard Ier, le roi sanguinaire. Oui. Tout pourri, un des pires rois que l'Angleterre ait connu, pour les Anglais en tout cas, ouais, et puis pour les Écossais autres, surtout, ouais, les Irlandais, les Écossais, et puis surtout. Les Gallois aussi, enfin un peu tout le monde. Pour les voisins, il était pas et, sympa. Donc l'histoire commence par une réunion secrète entre les Écossais et les Anglais, qui s'unit par un massacre, voilà. Et donc le père de William Wallace et le frère se font assassiner. Pendu. Pendu, non. C'est pas eux qui ont pendu dans non, la maison. Non, ils ont pris un coup d'épée, tranquillement. Tu les vois allongés à la fin, les deux. Ah, peut-être, ouais. C'est dans Robin des Bois. Pendu au début dans la maison. Mais ouais, les gens pendus. Ah ouais. C'était bien aussi Robin des Bois. C'était cool. Voilà, donc on a une petite scène de l'enterrement avec Meuron, là. Il a une petite fille qui lui donne une petite. Fleur. Petite fleur, c'est mignon comme ça, c'est le petit côté romantique. Et l'oncle de William Wallace qui vient chercher, et qui le formera. Il va l'éduquer. Il va l'éduquer en fait. Oui, il va l'éduquer, pas qu'au combat d'ailleurs, on va dire. Tout ce qui est langue, voyage, etc. Donc il revient quelques années plus tard, sans esprit de vengeance. Il revient juste pour vivre. Il veut vivre une vie tranquille de paysan. Classique, donc il revoit Meuron, et voilà, toute la petite histoire romantique, ils flirtent ensemble, ils décident de se marier, alors ils décident de se marier en secret pour justement donc éviter la prima noctée, donc cette première nuit où les Anglais sont censés passer la nuit de noces avec la mariée. Voilà. Ou le marié selon les goûts, hein. Selon les goûts, c'est pas faux. Pour Édouard II, il aurait bien donc le fils d'Édouard Ier, donc. Son nom indique. Et ben lui, par contre, lui, c'en était un vrai. Voilà, oui. Un vrai. Et donc du coup, enfin un jour, Meuron est victime d'une tentative de viol de soldats anglais, et William Wallace vient à secourir et tue les soldats. Et c'est là, et en s'enfuyant en fait, Meuron n'a pas pu s'échapper elle. Contrairement à William Wallace, et du coup, elle se fait égorger sur la place du village. Et c'est là que commence l'insurrection de William Wallace. Donc l'insurrection va commencer, ça va grandir au fil du film. On voit que les troupes écossaises se réunissent, et notamment avec les nobles. Les nobles qui sont on va dire divisés. Plus que divisé, avec le chef Robert Le Brousse, qui lui est candidat à la couronne d'Écosse. Et donc on a une première grosse bataille. La bataille de Stirling, donc gagnée par William Wallace. Ensuite il a été anobli suite à cette victoire. Et ensuite ça se complique puisque il est trahi du coup par des nobles pour de l'argent, parce qu'Édouard Ier leur a promis beaucoup de terres, et sachant qu'Édouard II lui s'occupait pas du tout de ce sujet alors qu'il était leur responsable, mais comme il était occupé, on va dire, avec son second, faire du tir à l'arc. Voilà. Voilà, hein, on va être fort poli. Il ne s'occupait pas de son cul. Et il ne s'occupait pas de sa femme, on va dire Isabelle de France, jouée par Sophie Marceau. C'est bien dommage pour lui, il s'occupe pas d'elle, à cette époque-là. Et voilà. Et la précision mesquine à cette époque-là, Julien. Ouais. C'est très mesquin de ta part. Ouais, non, c'est pas le genre. Oh non. C'est pas le genre. Et donc, du coup, donc, il y a une la seconde bataille, s'achève avec la défaite du, la défaite, du coup. De quoi? La bataille s'achève? S'achève? Ah bah, oui. C'est en Écosse, pour le c'est le début du nazisme, hein, très clairement. Oh merde, ça joue. Ouais, donc la bataille de Falkirk, c'est une bataille de Falkirk qui se termine bon, dans un gros bain de sang, avec la trahison donc des nobles, que William Wallace va couper en morceaux, ses nobles, il va se venger, il va tuer tous les nobles qui l'ont trahi, ensuite en fait il va réussir à avoir une réunion avec Robert le Brousse, secrète, sachant qu'il l'a déjà un petit peu déçu vu que il était un petit peu avec les tête, Anglais ouais. Qu'il était à la tête de l'armée anglaise et malgré ça et avec un peu le concours de Isabelle de France qui l'a aidé à échapper à quelques petits pièges de l'armée anglaise comme son père et son frère avant lui s'étaient fait avoir. Et du coup, Robert Le Brousse se fait quand même trahir du coup par un noble, par son père, du coup, oui, c'est le vrai. Lépreux, ah, oui. Par le lépreux et qui lui prévient l'armée anglaise et du coup, William Wallace se fait prendre et est torturé et puis enfin tué, exécuté, voilà, exécuté avec ses membres montrés aux quatre coins de l'Angleterre pour faire un exemple. Un exemple, voilà. Et donc du coup, le film se termine avec la bataille de Bannockburn. C'est une bataille, la bataille menée par Robert le Brousse qui est à l'origine en fait du début de l'indépendance de l'Écosse. Oui, du faux début d'indépendance de l'Écosse. Du faux. Mais ça, c'est une autre. Ils sont toujours pas indépendants. On va pas faire un cours d'histoire parce que là, on va commencer le petit cours d'histoire rigolo et là, c'est sympa. Donc, du coup, pour la petite anecdote. Isabelle de France, en fait, ils se sont jamais croisés, pour la simple et bonne raison qu'elle avait 13 ans à l'époque. Oui, ça aurait été de la pédophilie, du coup. Et qu'elle était même pas mariée avec Édouard II. En fait, ils se sont mariés 3 ans après la mort de William Wallace. Donc déjà, à la base... Bah, mais sinon, il n'y aurait pas eu Sophie Marceau dans le film. Et puis on n'aurait pas vu qu'Édouard II était pédé. Bah ouais, c'est sûr. Bah, c'était important. C'est sûr, ouais. Autre petite précision aussi, les kilts. Et bah, en fait, les kilts n'existaient pas à cette époque-là. C'était au 16e siècle que les kilts ont apparu. Mais ils portaient quoi alors? Du coup, des pantalons, je sais pas, la Gauloise, qu'est-ce que ça me fout? Ah, je sais pas, puisque tu dis qu'il y avait pas de kilt, moi je bah, demande ce qu'ils avaient à la place. Ils portaient des choses normales, quoi. Tu vois? Bah, qu'est-ce que t'appelles des choses normales? Peut-être qu'ils se baladaient. Un pantalon, les chansons, moi un Levi's, je sais pas. Des Nike. Des Nike, ouais. Donc, ouais, il y a eu petite. Même la bataille de Stirling, la bataille de Stirling, en fait, normalement, ça se passe sur un pont. Et du coup, il n'y a rien à voir. Il va y avoir moins de monde que tous les figurants qu'il y a dans le film. Voilà. Et du coup, les figurants, il a pris, d'ailleurs, les figurants, il a pris les mêmes figurants pour toutes les batailles, oui. Et ils ont mélangé les Anglais, et en fait, ils ont changé de rôle à chaque bataille, en fait. C'est pourquoi on marque pour éviter que ça soit trop cher. Et donc, on en discutait tout à l'heure, et du coup, des scènes ont été coupées pour éviter que ça soit interdit au moins de 17. Moins de 17 ans aux US. Parce que déjà, là, il y avait des scènes assez gratinées. Hein. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, la Société Protectrice des Animaux, là, aux États-Unis, ils pensaient que les chevaux qui se faisaient tuer, c'était des vrais. Donc, il a dû se justifier en disant, non, vous inquiétez pas, c'était pas des vrais chevaux qui se sont fait embrocher. On les a pas tués, les canons, on savait pas con. Ouais, ouais. Et, ça coûte cher, en plus. Un petit truc marrant, ça m'a fait, parce que du coup, il y a le cinquième élément qui est là-dedans, en fait, qui rentre en compte, c'est qu'en fait, c'était Mel Gibson qui avait le rôle de Bruce Willis. Et du coup, comme il était trop pris, Luc Besson a dit ok, on stoppe et puis on prend quelqu'un d'autre. Mais à la base, c'était lui qui avait le rôle. Ah bon? Ouais. Eh ben, il a peut-être bien fait de. Ouais, ouais. Alors, entre Braveheart et Cinquième élément, oui, effectivement. J'aurais bien imaginé Mel Gibson dans Cinquième élément. Et j'aurais pas imaginé Bruce Willis dans Braveheart. Non, j'avoue. Ouais, là, ça aurait été un peu compliqué, ouais. Ouais. Par contre, l'inverse, ça ouais. Mais il a galéré hein, pour faire ce film. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Il a vraiment eu des. Bah déjà, le sujet va pas forcément faire. L'unanimité, on va dire. Ouais, ouais, puis bah, il a vraiment arrangé sa sauce, hein, parce que oui, il y a. Alors, même la Prima Noctée, c'est une invention aussi, c'est lui qui l'a inventé. Bah, il l'a pas inventé, il a juste repris d'autres sociétés féodales. Non, en fait, ça n'a jamais été prouvé. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste, en fait, c'est Mel Gibson qui te dit, j'ai inventé ça. Oui, d'accord, mais ça s'est fait dans d'autres sociétés féodales, peut-être pas en Écosse, mais ça s'est fait ailleurs. Ça a jamais on en parlait avant Brevard, oui, ça n'a pas été prouvé, mais on en parlait avant Brevard quand même. Oui, enfin, ouais, enfin bon, là, du coup, ça n'a pas été. Là, c'était à l'origine, en fait, à l'origine du soulèvement des Écossais, mais finalement, c'était pas ça. Ouais. À cette époque-là. Ouais, c'était juste la cruauté d'Edouard Ier qui. Ça, c'est prouvé, par contre. Et ça, c'est prouvé, ça. Oui, parce que là, du coup. C'est vrai que lui, il en tenait une bonne. Hein. Mais franchement, il était très bon là-dedans. Hein. Dans le mec sadique, là le mec sans pitié, là. C'était très bon. Puis l'homme de science aussi. Il a prouvé que l'homme ne savait pas voler. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr que là, le mec. On l'aura pas, celui-là. Ah oui. Ah, il a pas rebondi non plus. Hein. Il n'y a pas de trampoline à l'époque. Hein, il ne retentera pas non plus, il est suivi. Ah oui, il ne restera pas, ça, c'est sûr. Oh. Voilà, donc c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était un film. Romantique. Ouais, romantique. Non, mais c'est un film, moi, les films, entre guillemets, là, je peux pas dire historique, mais alors, c'est basé sur des faits réels, basé uniquement, on va pas dire que c'était vraiment très inspiré. Mais ouais, au niveau bataille, au niveau costume, au niveau décor, c'était vraiment un truc de malade. Figurant aussi, ça se voit là. Ça s'arrête jamais. Il y en a du figurant. Même les seconds rôles, Amish et tout, là, les mecs, ils en imposent, quoi, tu vois, les mecs. Moi, j'adore Amish, il me fait trop rire, le gros bourrin de service. C'est le rock motin. Hein. Ah, c'est vrai que les 2h50 de film, ça fait assez peur, mais au final, ça passe vite. Ah, je les ai pas sentis, mais j'ai eu peur. Ça passe tout seul. Ouais, hein. Non, ça passe crème. Même si on se doute bien que c'est un peu enrobé, parce que c'est pour le cinéma. Ah bah c'est plus. C'est plus qu'un peu enrobé. Mais c'était un peu plus, j'étais un peu. C'est vraiment la seule déception de ce film, quoi. J'aurais bien voulu voir les scènes coupées. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incohérences historiques. Mais bon, il fallait. L'adapter au plus grand public, parce que bon, il avait quand même mis un peu d'argent. Là. Bah, c'était Mel Gibson qui a produit, quoi. Ouais, c'est Icon. C'est lui qui s'occupait de tout, donc. Ouais, c'est mérité. Mais bon, il a eu quand même 5 Oscars, hein, quand même. Mmh. Ouais, bon, c'est pas volé en même temps. Ouais, meilleur réalisateur, donc. Ouais, non, c'est pas volé. Hein. Mais là, ouais, vraiment, c'était vraiment pour moi, le premier film que j'ai vu, mais vraiment, c'était une bataille, on va dire, réaliste, quoi, vraiment à ce point-là, quoi. Parce que c'était vraiment super réaliste, tu vois, un coup de massue dans la tête du mec, tu vois, le sens dans la caméra, là, tu vois. Ah, les scènes de bataille sont d'une violence, ah, là, ouais. C'est... Non, bon, c'est... Moi, j'ai adoré. C'était vraiment... Mais vraiment le revoir, je me rappelle l'avoir vu sur M6, Fort le Temps, c'était grand, et là, quand je l'ai revu, c'était sympa. Ouais. Non, ça a été tourné en Irlande, hein, quand même. Mensonge voit, encore un mensonge. Mensonge. Non, je me souviens que ce film-là, moi, j'avais vu au cinéma aussi, mais avec la fac à Nantes, avec la fac d'histoire, il y avait un historien qui a fait un speech derrière sur Marcellus. Marcellus, putain, ça y est, je suis aussi con que toi. Marcellus, pourquoi Marcellus en fait? Ben, Marcellus Wallace, c'est Pulp Fiction. Ah, voilà. Oui. Sur William Wallace, du coup, et il nous disait que ça a été très, très largement... Ouais, puis nettoyé, parce que Marcellus Wallace, il se traîne... Ah, putain! William Wallace se traîne quand même la réputation de violeur, d'assassin, ouais. Et assez sadique. Ouais. Mais bon, après, c'est faux. L'autre le voit comme un grand romantique. Non, mais c'est ça. Mais après, il faut aussi temporiser que c'est les historiens anglais qui ont écrit cette partie de l'histoire, et c'est eux qui ont gagné sans gagner, quoi. Bon, ça a été taxé d'anglophobe, hein, ce film. Ben, en même temps, c'est vrai que t'as pas envie d'être anglais. Oui, mais après, c'est l'histoire. Ben, c'est l'histoire du point de vue de l'Écosse, on va dire. Voilà, le point de vue de l'Écosse. Après, chacun fait un film de son point de vue, comme ça. Ben, ouais. Du point de vue des Anglais, ils ont été gentils, ils ont tendu la main aux Écossais, puis ils sont fait niaquer. Mais voilà. Ouais, bon, très, très, très, très bon film. Si on le sort, si on se prend pas la tête et que tu dis que c'est pas un film pas historique, on va dire, de fait réel, franchement, tu fais juste un film comme ça, même si c'est pas vrai, tu t'en fous, tu le regardes, ça remarque, c'est tout seul. C'est un classique. Le film, tu te prends pas la tête, t'es pas obligé d'être un historien. Même si tu te prends pas la tête, le film, il est cohérent dans son ensemble, quoi. Bah, puis il est super bien fait. J'aime bien son remake aussi. Le Patriote. J'attendais que quelqu'un parle du Patriote, je m'en doutais. Mais très bien, Patriote aussi. Quand tu regardes le Patriote, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, on en parlait tout à l'heure, et je me demandais même si Mel Gibson n'aurait pas tourné 2-3 scènes du Patriote en 12, quoi. C'est quoi, c'est Ronan Emmerich? Ouais, c'est Ronan Emmerich. Parce que c'est vrai que les scènes de bataille du Patriote, elles sont gratinées aussi, hein. Putain. Tu vois, du boulet qui passe dans les rangs. Ah oui, celui-là, oui. Il y a même cruauté avec l'église et tout ça, c'est innommable. Et c'était encore les Anglais. Là, il perd son fils. Salaud d'anglais. Il y a toujours un Français. Ouais, mais à la fin. À la toute fin. C'était quoi, c'est... C'était Lafayette, ouais, c'était Chiqui Carillon qui jouait Lafayette. Apparemment, The Patriot... Et il a pas Lafayette, c'était pas lui, Lafayette. Si, c'était Lafayette. Et The Patriot, c'est pareil, hein, historiquement, ils ont enrobé un petit peu parce que il n'était pas aussi sympa que ça. Je suis rentré au pays pour moissonner la terre et, si Dieu le veut, fonder une famille. Tu veux que je me marie avec toi? C'est un peu soudain, mais d'accord. C'est ainsi que tu demandes ma main? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je te veux pour épouse. En un pays d'une beauté intemporelle, William Wallace était un homme de paix. Je veux rester ici avec toi. Et moi avec toi. Tu dis vouloir te tenir à l'écart des troupes? Si je peux vivre en paix, je préfère. Mais ils attaquèrent son monde. Édouard Ier dit le sec est le roi le plus cruel qui soit jamais monté sur le trône d'Angleterre. L'Écosse. Mon Écosse. Et la femme qu'il aimait. Je veux un foyer, des enfants. Ça ne vaut rien si nous ne sommes pas libres. Il doit se résoudre à la guerre. Entrez en Angleterre et dites-leur haut et fort. Dites-leur que les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Une rébellion a éclaté. Il amène William Wallace. Il rallie de nouveaux volontaires dans chaque ville d'Écosse. Nous voulons nous battre et mourir pour toi. Allez, debout, je ne suis pas le pape. Réunissez une dizaine de vos plus fins assassins et invitez-le à une rencontre. Majesté, Wallace est connu pour son habileté à prévenir les embuscades. Alors, nous lui enverrons la future reine en la chargeant d'une prétendue mission de paix. Édouard, désirez la paix? Il l'a dit devant moi, je le jure. Dites à votre roi que William Wallace ne se soumettra jamais ni aucun Écossais aussi longtemps que je vivrai. C'est vous qui l'attend à York. Si votre majesté est assez brave pour l'affronter. Pourquoi m'aidez-vous? À cause de votre façon de me regarder. Mais où tu cours? Mettre le feu à la tête. Eh bien, on ne se sera pas fait beau pour rien. On ne peut pas battre cette armée. On le peut! Et on le fera! Ne voulez-vous pas renoncer à tout pour une chance, juste une petite chance, de montrer à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie, mais qu'ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Nous vaincons, nous aurons ce que nul n'a connu avant nous. Une Écosse libre et unie. Mel Gibson, Sophie Marceau, Ray Park. Bon bah voilà, maintenant qu'on a causé du patriote. Bon, ça va être à mon tour. Ouais. Que je t'ajoute. Alors moi du coup j'ai choisi Los Angeles 2013, voilà, à la surprise générale parce que j'adore Carpenter, et celui-là je trouve qu'il est un peu sous-estimé par rapport à sa puissance quand même. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Fellar, vas-y. Rien dit du tout. Tu tousses. Il est content, pourquoi tu tousses? Donc alors moi mon résumé tient en 4 lignes. Donc Snake est envoyé dans un Los Angeles devenu une île prison afin d'y retrouver une arme ultra dangereuse tombée aux mains des prisonniers. Voilà. Et occasionnellement, il est là aussi pour tuer la fille du président des États-Unis qui a volé cette arme. Et peut-être revenir vivant s'il le peut, mais c'est pas souhaité. Voilà, en gros, je pense que j'ai bien résumé le truc. C'est une bah non. C'est ça. C'est un résumé. Ah, eux, ils ont raconté tout le film, moi je résume. Ouais, non, quoi. Ça aurait pu être New York 97 à Los Angeles. Non, faux. Ah non, il y a des enjeux qui sont quand même plus importants que New York 97. Là, dans Los Angeles, ils parlent clairement de fin du monde. Ouais. Alors que c'est New York 97, non, il faut juste ramener une cassette pour une conférence sur la paix. C'est vrai. Là, en plus, ils veulent transformer Snake en assassin en lui demandant de tuer la fille du président. Il y a plus de... Ouais. D'enjeux. Plus d'enjeux, ouais. Il y a plus de passion, et puis il y a plus d'effets spéciaux. Alors, si on veut rentrer dans le détail, c'est vrai qu'après, il part à Los Angeles en sous-marin. Alors, la scène est très belle, on dirait une cinématique PlayStation 1. Mais bon, ça passe. Hein. Je me souviens, ça passe. Ça passe, parce que je pense qu'il... Mais si, ça passe, regardez ça tranquille, ça passe. Il y avait un ou deux joints dans les dents. Non, même pas. Même à l'eau, ça passe. Si. Non, ça passe. Si. Non, ta gueule. Bon, bref, ensuite, il arrive à Los Angeles, je sais plus trop ce qui se passe exactement. À un moment donné, il tombe sur la secte de la chirurgie esthétique, avec Bruce Campbell. Ouais, okay, mais... Après, il fait du surf dans... C'est Sunset Boulevard, je crois. Là aussi, c'est un peu loupé, les effets spéciaux. Ouais, ouais. La prestation, elle est pas belle. Mais la scène est assez fun. Et bon, au final, il s'échappe. Et il éteint le monde aussi, à la fin. Ah, ça, cette scène est mythique. La fin, elle est juste exceptionnelle. Cool. Elle est mythique. Ouais. Je pense que dans ce film, il a eu des problèmes de production. Ben, pas vraiment, en fait. Il a eu les mains libres et tout ça. C'est juste que la société qui devait s'occuper des effets spéciaux... Dans le tarif convenu, elle était pas terrible et surtout elle a fermé avant la finalisation du truc. Et donc voilà, après ils ont dit si on rajoute du budget, on va mettre un peu notre nez dedans. Donc avec le budget qu'il avait, il a fait comme ça quoi. Parce que je sais que la fin s'est tournée à Universal Studios. Ouais. De toute façon c'est, direct. Mais je crois que c'est Universal qui a produit le film. Hein. Je sais pas. Et qui a laissé entièrement les mains libres dessus. Hein. D'après lui, c'est une bonne expérience de studio ce film là. C'est pas souvent qu'il dit ça. Donc voilà. Du coup, le réalisateur, on va en parler un petit peu, c'est Carpenter. Donc, on en a déjà parlé dans l'émission avec The Thing. Et il y en a pas eu un autre. Là, vous avez fait une... Non, je crois pas. Non. Je sais plus. Il y aura l'antre de la folie la prochaine fois, mais voilà. Donc, on a parlé dans The Thing. C'est un réalisateur américain qui fait beaucoup de films indés, série B, mais vraiment haut de gamme. Et qui vient d'avoir le Carrosse d'or à Cannes cette année, qui a été félicité pour l'ensemble de son œuvre. C'est un peu c'est moche parce qu'en général, quand t'es félicité comme ça, c'est que tu vas bientôt mourir. Donc ça me fait un peu de peine. Et oui, surtout que ça fait bien 20 ans qu'il a pas fait un film. Le dernier, c'était Ghost of Mars, The Ward. C'était pas terrible non plus. Mais il se consacre plutôt à la musique maintenant. J'ai vu Berzin il y a 2 mois. Ouais. Je trouve ça quoi. Ça se regarde, mais pour un Carpenter, c'est pas terrible quoi. C'est comme Ghost of Mars, c'est sympa. J'avoue que j'ai été étonné à la fin de voir son nom, j'étais là bon, j'étais là un peu. Mais j'aurais pas dit que c'était lui. Ouais, ouais, c'est ça. Carpenter, 70 dépassé. Mais j'ai pas noté exactement l'âge, ça. Mais ouais, en tout cas là il vient d'être félicité donc c'est mauvais signe. Sinon il se consacre beaucoup à la musique, il est passé à Paris il y a pas longtemps pour un concert. C'est vrai qu'il a fait toutes ses bandes son, ou la plupart. Oui oui, il a quasiment toutes ses bandes son, même Ghost of Mars a été composé par des artistes métalleux, mais le seul qui a participé c'est The Thing. Si, The Thing il a participé. Il a participé mais c'est numéro 1. Oui, bah comme Ghost of Mars, il a participé. Composé le thème d'Halloween qui est quand même mythique, qui a été repris plein de fois. Bah et puis le thème de Snake Plissken justement qui est assez mythique. Et toute la musique de Jack Burton, qui est bien aussi. C'est vrai. Donc, voilà. Je sais même pas quoi dire pour défendre le film, moi je le trouve tellement bien que, à mon avis, il suffit de le voir pour être convaincu. Mais... Juste, à mon avis, les gens à l'époque, ils étaient un peu déçus. Quoi. Ils attendaient à New York 97 plus... Ouais, alors que, en fait, il est surtout plus méta et plus cynique. Oui, voilà. Parce que déjà, New York 97 était un peu plus action, là, il est plus cynisme et c'est un western bien caché, celui-là. Ouais. Ne serait-ce que la dégaine du personnage et tout ça, on est clairement dans le western. C'est vrai. Mais du coup, moi, je trouve que ça va être trop copié-collé, je les ai revus il y a pas longtemps à la suite. Moi, j'ai longtemps trouvé qu'ils étaient copié-collé, mais en fait, en voyant bien Los Angeles 2013, je trouve que pas tant que ça. Okay. Dès le début, le thème musical, il passe de l'électro à un son un peu plus guitare sèche, harmonica, et on sent le truc qui passe. Et surtout, le personnage a beaucoup vieilli, on sent aussi le Carpenter derrière qui regarde tout ce qu'il y a eu et qui se dit franchement, vous me demandez de faire la même chose, d'accord. En gros, je vais vous le faire, mais ça sera pas ça. Ouais, quand même. Ouais, suffit pas à les différencier assez, je trouve. Et puis, ça mal vieilli. Oh, putain, ça. Les effets spéciaux ont mal vieilli, mais par contre, je trouve que tout le contexte du film a beaucoup mieux vieilli quand tu vois l'Amérique qui présente au début. Oui, ça, par contre, c'est toujours d'actualité. C'est toujours crédible, on va dire. Ils sont en plein dedans. Et dystopie. Voilà, ça se rapproche même de Demolition Man. Dystopie, d'ailleurs, c'est un thème que je voulais proposer. Ah, dystopie, ça serait bien. C'est vrai que la dystopie serait une bonne idée. Alors, c'est l'inverse d'une utopie. C'est une utopie, mais qui se barre en couille. Une utopie, c'est bien, une dystopie, ça fait mal au cul. Mais, je trouve que l'univers qui dépeint au début, en plus, c'est plus anxiogène, parce que tu te dis, dans New York 97, clairement, New York, c'est une prison, t'as pas envie d'y être. Alors que l'extérieur, ça va. Ouais. Alors que quand tu regardes Los Angeles 2013, tu dis finalement, Los Angeles, c'est peut-être pas le pire endroit. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Bah du coup, ça va peut-être mériter de, un troisième film sur le reste du monde. Bah apparemment, Ghost of Mars, ça devait être le troisième volet. Ah ouais. Ça a dévié d'un troisième volet de Snake jusqu'à une sorte de remake de Asso. Ouais. Et où, bah, quand tu vois le personnage d'Ice Cube dans Ghost of Mars, c'est un peu Snake Plissken, c'est l'ancien héros de guerre qui a mal tourné, et voilà. Ok. Ça mérite, ouais, c'est un film que j'aimerais bien voir rebooté, tu vois. Je sais pas, ils ont parlé au monde de le rebooter avec Gerard Butler, là j'ai un peu peur quand tu vois London Falling, tout ça, ça pique. Mais c'est vrai que l'univers, il y a quelque chose à en tirer, en faire quelque chose de bien. Bah, l'univers en lui-même, pas tant que ça, mais le personnage de Plissken est super, super intéressant. Si, moi j'aime bien ce genre de... Ah bah, la dystopie présentée, ouais, elle est terrible. C'est un peu la dystopie que Demolition Man, il pourrait faire une sorte d'univers étendu entre Demolition Man et Los Angeles 2013. Ce serait assez sympa comme principe. Ben, c'est le film que je choisirais pour notre thématique dystopie. Dystopie, Demolition Man, non, Demolition Man, on va se battre. Ah, ça y est, on a perdu Julien. Non, c'est bon, je suis. Bon, donc, à part moi qui l'a vu le film. Rien à foutre aujourd'hui. pas motivé. Julien, aujourd'hui, c'est YouPorn, c'est la prochaine. Mais non, mais vous inquiétez pas. J'interviens toujours à bon escient. Non, on n'a pas vu 97. On a vu Invasion Los Angeles et Los Angeles 2013. Du coup, il y en a un avec les extraterrestres et pas l'autre. C'est un peu le même univers. Enfin, on voit bien que c'est Black Panther. Oui, c'est visuellement, oui. Visuellement. Mais moi, j'aime bien son côté un peu. Justement, les effets spéciaux qui sont pas nickel. Je trouve que ça donne vachement de charme. Et puis, du coup, je trouve que ça vieillit moins vite. Par exemple, le Godzilla qui a été tourné un an après, il a pris un méchant coup de vieux dans la gueule maintenant, alors que Los Angeles 2013, il a pas tant que ça vieillit. Oui, parce qu'il s'est pas obligé de scène de Godzilla, c'est pour ça. C'est ça, c'est comme du vinaigre, ça veut pas qu'on ait plus vinaigre, c'est bon. Il y a un côté un peu authentique qui est sympa au final. Tu l'as vu, Loïs? Ouais, moi je l'ai vu, je l'ai trouvé vachement artificiel en fait. Ah bon? J'ai pas accroché du tout. Et de visu, ça passe pas, le scénar, ça passe moyen. Non, j'arriverai pas à avoir une critique constructive, juste ça passe pas. C'est pas passé? Non. Parce que c'est à des jeunes. Mais... Non, bah c'est pas non, passé. Moi j'aime bien. Moi, j'étais déçu parce que je m'attendais à New York 97, plus, mais voilà, c'est un autre film, c'est différent. Comme tu dis, c'est cynique et c'est... C'est beaucoup plus cynique, je trouve que c'est plus méchant, dans le fond, que New York 97. Ouais. Et surtout la fin mythique. La fin, oui. Putain, il a éteint le monde. Voilà. Bienvenue dans cette salle. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler. De fumer. De jeter des ordures. De manger de la viande rouge. De choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé. Le manquement à ces règles entraînera immédiatement la perte de la citoyenneté et la déportation dans l'île de Los Angeles. Bon spectacle. Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Nous avons établi son profil psychique d'après un panel de 5 millions de personnalités sociopathes. Il a atteint le bas de la courbe. Elle a l'air de piger assez vite. Cette ville aime les gagnants. Et si on jouait suivant les règles du petit Bangkok? Personne ne tire tant que ça n'a pas touché le sol. Vous êtes prêts? Tirez. Ça vous pose un problème? Moi, toi, Julien, t'as trouvé celle de Maison à Vendre sur YouPorn ou pas encore? Bah, je sais pas, du coup, je suis toujours sur son cul, elle. Ah oui, je sais, pour ça. Bon, je la reverrai pas se pencher, tant pis. Ben si, ça passe en boucle sur A6. Ouais, tu nous as sorti du truc aussi, là. On était à fond, là. J'étais à fond dans son cul, tu m'as sorti du truc. Elle est bizarre, ta phrase. Bon, ok. Ouais. Eh ben, Walid, tu vas enquiller. Oui, voilà. Alors, je vais vous parler d'une balle dans la tête de Jon Woo. Qui? John Woo. John Woo. C'est lui qui, voilà. C'est Rodriguez qui essaie d'imiter là. Non, c'est, ah ouais, on peut voir ça comme ça. Ah oui, bah, il a dit que je m'inspire de John Woo. Alors, si je vais commencer par le synopsis et après je vais vous parler de comment c'est ça s'est passé le tournage. Eh ben allons-y. Alors c'est l'histoire de trois amis d'enfance. On vous remercie. Niveau vie, plein de trucs, ça va être palpitant. Ah, c'est génial, mes parents divorcent en fait. Voilà. Oui, sauf qu'à la fin, il y en a un qui meurt. Qui vont vivre deux enfers différents. L'histoire se passe à Hong Kong dans les années 60. C'est à Paul, Ben, Frank. C'est des noms typiquement hongkongais. C'est des anglophones, les mecs, ou c'est des chinois? Bah, Hong Kong, oui, c'est des anglophones, du coup, dans les années 60. Ouais, mais c'est pour ça. Mais dans le film, c'est joué par des anglais, ou... Non. Ah non, justement, c'est joué par des chinois. C'est, y a qui? Y a Jackie Chung, pas Chan, Jackie Chung, Tony Leung, et le troisième, je connais pas. T'as perdu Julien, de toute façon. Il te regarde, mais il a rien compris. Bon, Tony Leung et Chung Chung, et voilà, quoi, c'est bon. Voilà. C'est des acteurs connus. Pas de problème. J'étais ouf, dans les années 60, et, bah, ils vivent normalement, combat. Ouais, normalement, de... comme combat, quoi. Non, mais combat de gang, Rix. Ouais. Normal. Bah, à l'époque, c'était. Mais c'est vrai que l'époque était assez violente. L'époque était assez violente, c'est pour ça. C'est un peu basé sur la jeunesse de John Woo. Il a connu ça. Ouais, ouais. Tu l'as vu le film ou pas? Mais oui, mais c'est pas facile à résumer. C'est pas facile à résumer sans. Ouais, faut faire du vide, comme j'ai fait. Bah, combat de Rix, jusqu'au jour où, Frank agresse un chef de gang, jour de mariage d'un de ses potes, qui va le tuer sans... Ah, il va le tuer. Il va le tuer. Par accident. Frank Dux, voilà. Du coup, ils vont fuir Hong Kong. Ils vont s'échapper en Vietnam, donc pendant la guerre du Vietnam. La meilleure idée du jour. La meilleure idée du jour. Ouais, il y a une guerre à côté si on y allait. Et là, ils vont rencontrer un trafiquant. Ouais. Un trafiquant, et qui est dans un bar. Ça fait longtemps que j'ai vu. Oui, trafiquant dans un bar. Ah, mais c'est trafiquant dans un bar. Après, c'est là qu'il voit l'Eurasien, Simon. Luc. Oui. Joué par Simon Yam. Charisme dans ce film. Ah, il est au top. Là. Ah, il est au top. Hein. Et c'est Luc qui leur dit on va voler le trésor du. Faire un casse dans le. Faire un casse chez le truc. Et, c'est un casino, je crois. Oui, je crois. C'est ouais, un bar casino fond. Moi, c'est là qu'ils font la contre-vente, une grosse caisse d'or, ils vont faire le casse. Emily, elle est perdue. Elle est perdue, oui. Non, c'est voilà, s'arrêter très... au premier quart d'heure après. Ouais, je sais que le début est à l'argnon, mais à la base, il devait avoir des acteurs de 13 ans, c'était une jeunesse. Ah oui, parce que ouais, c'est ça qui faisait pas cohérent. C'est ça, c'était pas cohérent. Entre la violence des coups et la musique derrière, le début c'était dur. Le début, non, à la base, c'était avec des. Voilà. On l'a perdu, mais Roger. Tiens, on peut pas tuer. Attention, mon perturbateur, mais tu me parles avec le samarin. Oui, mais encore, c'est parce que t'as parlé, cette façon. À la base, ce film devait avoir des petits acteurs. Bon, c'est pas grave, on continue. On continue. Ouais, mais de toute façon, celui-là, elle l'a pas vu, elle a dormi. Elle l'a pas vu, elle a dormi, c'est vrai. Bon, c'est donc, il y a le casse, bah non, parce qu'après le casse, ils essayent de s'échapper, ils se retrouvent dans le camp de prisonniers. Voilà, où, Là, ils pètent. Ils pensent que dans le, je crois, s'il y a des plans de... Il y a des plans de la CIA dans la caisse d'or en plus. Voilà. Donc, et après l'armée américaine va arriver dans le compte de. Ouais, l'armée américaine débarque avec l'agent de la CIA, là, Luke. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai... Il est libéré, sauf qu'il y a un des deux qui finit par tuer son pote. Et voilà, mais ça c'était le. Ah bah je spoil à fond. Moi tu spoil à fond. Je voulais pas spoiler, moi je voulais se m'arrêter à là et. Ah ouais, bah stop, alors on s'arrête là. Non mais c'est pas grave, j'ai rien dit. T'as spoilé ça. Qui l'a peut-être tué, bon. Qui l'a peut-être tué, voilà. D'une balle dans la tête, comme le titre l'indique. Et voilà. C'est un gros spoil. À la base, ce film devait être le Syndicat du Crime 3. Et vu que dans Syndicat du Crime 2, John Woo et Swear se prit la tête, et sur ce killer aussi. Swear qui se prend souvent la tête quand il Oui, il se prend la tête parce qu'il veut tout gérer et tout ça. Ouais. John Woo a vu que les deux, ils ont des forts de tête, ils ont des têtes déjà. Bah, ils ont dit, chacun va faire son film dans son coin. Swear qui a fait le maximum pour... C'est Swear qui a fait, de toute façon, le syndicat du crime 3. Sorti deux ou trois mois avant, la balle dans la tête. Alors, voilà. Et voilà, c'est comme ça, ce film a bidé dans ces années-là. Ah, il a bidé, le film a bidé. Ah, je pensais pas. Parce que c'était presque le même scénario que Syndicat du crime 3. D'accord. Non, je pensais pas que le film c'était payé un bide, par contre, vu comment tout le monde en parle. C'est prêt à bide, à l'époque. Ce film est inspiré par, Le Voyage au bout de l'enfer, on va dire. Ouais. À part que c'est pas des militaires, quand même. Voilà. Mais, l'acte, une vie normale. Oui, oui. L'enfer de la guerre. De la guerre et le retour avec le trauma du survivant, quoi. On va repartir. C'est pas contre toi. Non, mais en plus, t'as Willy qui craque aussi en même temps. Non, mais je craque toujours, hein. Voilà. Aussi d'une légende chinoise, les trois frères. Le frère de sang. Voilà, c'était John Chang. Les trois frères, c'est pas pareil. Sans patates. Sans patates. Là, tu vois, les trois frères, ça leur parle aussitôt. Voilà. Elle est gentille, mais elle est moche. Plutôt, t'as un gros con. Voilà, moi, je l'ai vu avant, ouais, j'ai oublié de le faire. Moi, c'était une claque. Je l'ai loué dans une vidéo club. À l'époque, ça existait. Et je me suis pris, baf, c'était un film. Ouais, c'est vrai que. Au début, je pense qu'il est dur en Iran. Mais après, dès que ça rentre dans l'armée, c'est l'histoire. Bah, dès qu'ils partent au Vietnam, ouais, ça commence. Mais c'est vrai que le début. Ouais, mais je dis, à la base, c'est débattre une petite histoire avec des jeunes acteurs. Et là, quand tu les vois à la corde à sauter tout ça, les grands. Les grands. Ça fait les batailles de gosses, mais avec des adultes. Et puis la musique, non, enfin, la musique, ouais, la quel choix bizarre. Ouais, c'est de la musique chinoise, mais non, vraiment, là, elle passe pas. Non, mais là, c'est une espèce de pop, de cabaret. Voilà. Ouais, ça marche pas, tu dirais, je sais pas. Après, qui d'autre il a vu? Alors, Le premier quart d'heure, Amine peut t'en parler, la musique. Je vais voir, mais obligé de le voir, Amine. Non, mais moi, j'ai essayé. Oui, oui. Et en fait, j'ai vu la première demi-heure. Enfin, ouais, peut-être maximum, c'était pas le... Ah, c'est moi la première demi-heure, je t'avoue, allez, je vais essayer, tout le monde dit que c'est génial, je vais regarder jusqu'au bout. Ouais. J'ai pas accroché, parce que ça m'a fait penser à un peu les genres de Karate Kid et tout, avec... C'est vrai que ça fait un peu musique de Karate Kid, voilà, au début. Et en fait, c'était trop speed, je comprenais pas le... Ouais, puis il y a un problème de rythme, ça, des moments c'est vachement rapide, après ça s'arrête parce qu'ils parlent, ils racontent des blagues, hop, ça re-speed. Dès qu'ils se rencontrent, les trois potes, là, ils sont excités, je sais pas, il y a... Bah comme des gosses, c'est vrai que si ça avait été des enfants, peut-être que ça serait ça aurait été plus clair. Oui, j'ai pas accroché. Parce que là, trois adultes qui sautent partout, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pris du crack, ils sont pas bien. Voilà, c'est ça, j'ai eu du mal en fait. Après, j'ai demandé à Olivier de me raconter vraiment toute l'histoire qui a l'air top. Hein. Ouais, non, mais la suite du film, moi, c'est psychologiquement, c'est vrai que moi aussi, quand je l'ai vu, ça m'a foutu une sacrée claque le film. C'est vrai que c'est pas. C'est pas à mettre devant toutes les mains. Non, puis ça. Ouais. Bah, les scènes violentes. Les scènes violentes sont violentes et psychologiquement, oui, c'est vrai que c'est dur comme film. C'était un bon film. Oui, ça reste toujours un bon film. Oui, non, mais je veux dire, j'ai été content d'avoir vu du coup. Contrairement à d'autres films que j'ai même pas pris la peine de regarder du coup. Salut Raph. Bah, tant pis pour toi. Voilà. J'ai hâte que Raph nous résume son film aussi, j'avoue, ça va être rigolo. Ouais, j'ai un truc, j'ai rien préparé, Non, mais ça va être drôle. De l'improvisation. 十几年都够唔够？十几年嘅感情今日冇晒。 What are you talking about? Hoja! Hoja, I'm going to die! I'm going to die! I'm going to die! I'm going to die! I'm going to die! Ah, moi j'ai improvisé, j'ai même pas ouvert mon livre. À part pour le résumé de 4 lignes. Mais d'abord, ça va être Héloïse. Oui. Encore un film avec des chiens. C'est bien. Bah oui, c'est vrai. Oui. Puis, inspiré japonais. Beethoven. Ah ouais, on devrait faire un spécial film avec des chiens. Ouais. Lassie. Ouais. Max. Chafilet. Max. C'était le film français, ça, avec l'espèce de Doberman modifié. Bon, c'est Hercule. C'était américain ? Oui, c'est Sherlock, ouais. Non, c'était Baxter, le Max, film français qui était bien. Oui, je m'en souviens de ça. Le chien qui pisse. Coup de Joe, ouais. Ouais, Max, c'était le chien qui pisse de l'acide à un moment, c'est ça. Ça, c'était bien. Ah. Oh, pardon, Héloïse. Non, ton film avec des chiens. C'est pas des chiens, c'est un chien. C'est le chien. D'accord. Quelle race? Un chien. Akita. D'accord. Le chien de la reine. Bref. Je vais vous parler de Hachiko, l'histoire d'un chien de La Salle Strom, qui date de 2009, et qui en fait est un remake d'un film japonais qui date de 87. Qui est assez difficile à trouver. Mais si tu cherches pas le bon aussi. Bah si, justement, je cherchais, sur rien que la bande-annonce, j'ai galéré pour la trouver. Maintenant que tu me dis que t'as vu ce écrit chargir, ça m'arrange. Voilà. Voilà, voilà. Et Hachi, c'est quoi? C'est l'histoire d'un chien qui va être fidèle à son maître jusqu'au dernier moment. Le film commence avec Parker Wilson, qui est professeur de musique à l'université. Et un soir, en rentrant du travail, il va trouver un chiot qui semble... abandonné ou perdu sur le quai de la gare. Et bon, concrètement, ça va être un petit peu la guerre avec sa femme parce qu'elle va pas vouloir le garder. Mais c'est comme avec les enfants, ça. Sauf que ça se passe dans l'autre sens. C'est la dame qui peut pas garder. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et bon, bah, elle va finir par céder. Et bon, je saute un peu certaines étapes, mais on va noter quelque chose d'important dans le film. C'est quand le professeur Parker va aller voir un de ses amis japonais qui va lui demander s'il a une idée de l'origine du chien ou de ce qu'il a écrit sur son collier parce que c'est écrit en japonais. Au final, on apprendra que sur son collier, il y a écrit 8 en japonais, Hachi. Donc du coup, il va lui donner ce nom-là. Et il va aussi lui dire que la race Akita, c'est pas du tout le genre de chien à obéir pour obéir. Ils sont plutôt très indépendants. Et... c'est un détail assez important en fait, à noter pour la suite du film. Ce qu'on voit après, c'est que en fait, le chien va accompagner son maître tous les jours à la gare pour qu'il aille bosser, quoi. Et tous les soirs, il vient le récupérer pour le train de 17h. Mais un jour, il y a un moment où on va se rendre compte que soudainement, le chien va d'un seul coup, d'une certaine manière, obéir à Parker en lui ramenant la balle, alors que c'est le genre de chose que normalement ce genre de chien fait pas du tout. Et ils disent dans le film que, en gros, s'ils se mettent à obéir à un ordre, c'est vraiment qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer qui est pas normal. Et justement, c'est ce jour-là, le professeur Parker va décéder d'une crise cardiaque à l'université, donc il ne pourra jamais revenir par le train de 17h. Malgré tout, il y a quand même le chien qui va venir le chercher. Il va essayer de venir le chercher pour le 35h. Il va rester jusqu'au soir parce qu'il voit qu'il ne revient pas. Et c'est là que commence, entre guillemets, le drame et les scènes larmoyantes et la musique qui reste dans la tête. Ah, le truc que t'aimes bien. Qui fait pleurer. Le chien reviendra tous les jours à la gare pour le train de 17h, pendant 9 ans. Mais pendant tout ce temps-là, Richard Gere jouera plus dans le film. Oui. Oh, bien. C'est une préhistoire, parce qu'il y a la statue de ce chien. Oui, c'est une histoire, ouais. Je l'ai vu, je me souviens, cette statue. Qui l'a vu? Non, belle histoire. Moi non plus, j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu un documentaire de 3 minutes, c'était pareil, c'était bien. Ça s'appelle une bande-annonce. Non, c'était un documentaire sur Hachiko. Un documentaire sur le chien. Ouais, mais il y a Richard Gere, ça calme. Ouais. Il est parce qu'il dessine après le chien. Ouais. Oui, c'est pas qu'il a compris, c'est un chien. Non, franchement, il m'a fait pleurer du début jusqu'à la fin. La musique aussi, elle passe super bien avec. Enfin, pour donner une anecdote, un jour, j'étais genre avec ma mère dans un magasin, je sais plus où, et j'entends de la musique, et d'un seul coup, je me suis mise à pleurer dans le magasin. Au moment, je comprenais pas, je me disais trop bizarre, et au moment, j'ai compris que c'était la musique qui passait dans la chine. Oh. Voilà. C'est mignon, bon. Bah, chouette, hein. Parce que bête, ça y est, personne ne tu l'as vu peut-être toi, Wayne? Je l'ai vu il y a très longtemps sur Arte. Bah, il n'y a pas forcément très longtemps, parce que 2009. Ouais, mais du coup, c'est vrai que je suis curieux de voir ton film, finalement. Faux cul. Je bouge pas, toi. Et du coup, les 9 ans. Eh, bizarrement, Antarctica, ça t'avait pas branché. Non, mais là, tu vois, c'est. Ça dure combien de temps? C'est Richard Gere qui te fait cet effet-là? Ouais, mais je pensais que c'était le chien, Richard Gere. Dans le rôle du chien, Richard Gere. C'est un effet. Ça dure un quart d'heure, je crois, c'est ça? Mais du coup, il attend combien de temps pendant une heure le chien en chien? Ah non, c'est 3, 2, entre 17 et 20, il attend le chien. Donc t'as 3 heures de chien qui attend. Non, mais dans le film, t'es comme. Dans le film, c'est la saison. T'as qu'à regarder le film ce soir. Mais je crois qu'elle est en train d'expliquer, Louise. D'accord. Comment ça se déroule dans le film, du coup, le chien il attend, mais combien de temps? Bah voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on voit surtout, du coup? Bah, tu as le chien assis, puis les saisons qui passent au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais pendant combien de temps? Dans le film, une heure? Un quart d'heure? Non. Bah, il y a 9 ans, si tu fais un bon ratio, en 3 heures ça passe. Non, au total. Mais c'est bien amené, quoi. C'est bien fait. Non, mais en fait, il meurt à la fin, le mec, en fait, quasiment. Non. Oui, vers. Ah oui, si, vers la fin. C'est un quart du film. Oui, c'est ça, un quart d'heure avant la fin, puis tu vois la machin, mais. Ouais, c'est ça. Il meurt pas au début du film, et puis le chien. Non, c'est sûr, le film il est un peu long, tu vois juste le chien qui revient tous les jours, et ça se fait. Moi j'ai vu mon film. Bah lui il a vu le chien. Je l'ai vu 10 et 20 fois mon film. Moi j'ai déjà vu une fois ton film, c'est pas mal. Alors s'il te plaît, arrête. Oui, mais il était bien son mais film. Mais moi je vais voir ton film par contre. C'est bien. Si je dis pas de bêtises, il meurt à peu près au milieu du film. Après, bon, il y a d'autres petits éléments que j'ai pas racontés. Mais on va avoir par exemple la veuve du professeur Parker qui va revenir, qui va reconnaître le chien. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Heureusement qu'elle va reconnaître le chien. Oui, enfin, elle aussi, elle va être super bien, elle va comprendre qu'en fait, le chien, il est resté là encore pendant 9 ans. Qu'est-ce qui est con, ce chien? En fait, à la base, sa veuve, après le décès de son mari, ils ont essayé de déménager pour changer de vie, quoi, tout simplement. En fait, à la base, ils ont emmené le chien avec eux, sauf que le chien a voulu partir quand il entendait le train siffler au loin. Ah oui. Donc en fait, ouais, il y a plusieurs petits trucs que j'ai pas raconté. Bon, les deux neneux, regarde la photo du chien, en fait. Mais non, je regardais ce que c'était la race Akita. C'est vrai que sur la photo, il est pas gâté. Il a une oreille blessée. Ça, c'est le vrai chien. C'est le vrai chien. Comment pourquoi il attendait là-haut, là? Parce que, putain, il fait un peu triso, quand même, là-dessus. Non, mais au stage-là. Oh, non, il a les deux oreilles dressées, lui. Hein. 1923-1935, il n'y avait pas tout. Maintenant, il n'y a plus que les oreilles qui se dressent chez Julien. À l'âge qu'il arrive, le pauvre. Et du coup, ouais, tiré d'une histoire vraie. Et maintenant, bah, comme disait Raphaël, on a une jolie petite statue. Normalement, il y en a deux. Du chien. Les retrouvailles entre le chien et le maître qui sont retrouvés. Mais ils ne sont pas retrouvés, ils ont été incinérés, de toute façon. Ils se sont retrouvés au paradis, s'il te plaît. Mais au paradis des chiens ou au paradis des chiens? Ou des chiens, parce que oui. Ah oui, faudrait savoir. Le chemin entre les deux, c'était plus simple. Les gros casse-couilles. Non, le gros casse-couilles, parce que nous, on n'a rien vu. T'allais le dire. Ouais, à chaque fois, tu vois, t'allais le dire. Bah si, quand j'ai dit le paradis des chiens, t'avais commencé ta phrase aussi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as été plus vite. C'est plus chiant que l'autre. Ouais, mais en même temps... Ah, comme on dit, copain comme cochon. C'est ça. Là, c'est mon maître. Donc voilà. très beau film pour, en fait, typiquement pour les meufs comme moi à l'époque, c'est-à-dire célibataire, quand on pleurait vendredi soir, d'avoir un peu de glacé et de boire. Tu penses qu'avec un mec à côté, t'as un peu... Non. Alors, mon beau, t'es perdu ? Il était à la gare et... Tu t'es dit, je vais le ramener, la convaincre de le garder, c'est ça ? Non, dès demain matin, je vais aller chercher son maître. Papa, je l'adore. Il a un nom, ce petit chien ? Oui, invité temporaire. Va chercher, allez, va chercher. Non, la balle. Oh. Il est gâteux. Le chien a trouvé un maître, je suis vraiment désolée. Oh. Faut que j'aille travailler. Allez, rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il est resté toute la journée ? Non, il est arrivé il y a 2 minutes. C'est incroyable, il vient tous les jours. Hachi ! Hachi ! Il ne faut plus l'attendre maintenant. Il ne reviendra pas. Salut Hachi. Est-ce que c'est le chien dont tout le monde parle ? Il vient tous les jours au même endroit. Ça pourrait faire un bon article. Maintenant, parce qu'avec un mec à côté, il faut regarder... Star Wars. Avec un mec à côté, t'as plus le choix. C'est sexisme ordinaire. Voilà. 19. Hier, on a bon, dit on va voir ça. Moi, je t'ai dit on va voir. Voilà. Et j'ai pleuré. Ben, voilà. Oui, bah ça, par contre, forcément, c'est pas clair. Sur Eternal Sunshine. Ouais, moi aussi, j'ai pas compris. Ben, ils sont ensemble à la fin. Ouais, mais tu vas. C'est marrant de voir sa copine pleurer et tout. Non, mais c'est bien comme ça, tu la réconfortes et puis hop, zoup, quoi. En fait, c'est elle qui te réconforte. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu sais, bon. Assure voilà. Quand Gérald, j'ai un moment de faiblesse. Après, il a besoin d'être. Non, j'avais pas compris. Lui, il a besoin d'être rassuré. Après, en général, ça dure que 10 secondes, il pleure. Et voilà. Oh là là, c'est triste, j'ai tout en amour. Attends, j'ai abandonné la main. Allez, viens, mais alors, papa. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que Julien, si j'ai besoin d'être rassuré. Je vois bien Julien. En parlant de trop ça, justement, Raphaël, on va passer à toi. Moi, c'est pas trop ça. Ça, c'est la transition, t'as vu. C'est vous, hein. Transition branleur. Je vais élever le débat un peu, là. Allez, vas-y, résume pour en freestyle. Ah, là, ça va être le dernier, ça va être compliqué. Ah non, parce que par contre, personne n'a vu le film. Si, je l'ai vu. Bon, bref. Alors, moi, je vais vous parler de Nowhere de Greg Araki. C'était surtout l'occasion de parler de Greg Araki, qui est un de mes réalisateurs préférés. Donc, il est un réalisateur américano-japonais. Ah, je pensais qu'il était grec. Bah, des hommes à demi-nus, c'est vrai que ça vaut. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est on peut se poser la question, hein, sans poil. C'est un copain d'Aliagas. Ah, c'est sûr qu'il est pas copain avec Denis. C'est pas Arrakis, quoi. Greg, c'est Arrakis. Ça finit par Paris, hein, de toute façon. C'est par pénis, t'adores, quoi. Ouais, ça finit en branlé des gros bis, c'est ça. Ça va être plus long, hein. Long et dur, voilà. Allez, vas-y, accouche. Donc. Donc, Greg Araki. Donc, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et pourquoi tu l'aimes beaucoup ? Et pourquoi je l'aime beaucoup ? Bah, je vais en parler en même temps que du film. Donc, ce film, c'est le dernier volet d'une trilogie, commencé par un film qui s'appelle Totally Fucked Up, suivi de The Doom Generation, Look I Have Nowhere en 95. Alors, de quoi ça parle? C'est vachement dur. Pour résumer, c'est un film qui s'ouvre sur une musique magnifique de Slow Dive, où on voit le personnage joué par James Duval, qui est l'acteur fétiche d'Araki, se masturber sous la douche. Ça résume... ça résume à peu près le genre de film. C'est, je pense, c'est ce qu'on appelle un film choral. Je vais fermer ta gueule. C'est ce qu'on appelle un film choral avec plein de personnages. D'où le concept de choral. N'est-ce pas? Donc ils chantent. Voilà. On a tout de même compris. Alors que c'est ce genre de film qui tient sur une journée, en fait, où en fait on suit une bande d'adolescents sur du moment où il se lève jusqu'au soir où il finit sa une teuf, quoi. Bon, de hein. Midi et demi, une heure, jusqu'à 23h. Voilà, à peu près ça. Une demi-journée. Pourquoi? Alors, je voudrais pas dire qu'est-ce qui se passe, en fait. Ouais, ils se lèvent, ils vont au café, ils vont se recoucher, ils baisent, ils vont jouer à un moment une partie de cache-cache, et après ils vont à une fête. Voilà. Ça résume à peu près le film, en tenir que c'est pas il y a un martien dans le film, hein. Et, j'allais dire, il arrive pas, il s'intéresse. Pas, le scénario, honnêtement, j'ai pas vraiment de scénario, je pense. C'est un peu difficile à dire qu'il y a un scénar. Moi, j'aime ce film. J'aime Greg Araki parce que c'est une esthétique, en fait. L'esthétique des torses sans poil. Non, oui, bah c'est un réalisateur qui a tout fait sur, putain, j'ai vachement de mal, j'aurais quand même dû préparer mon sur les ados, j'ai oublié où m'attendre. Non, mais attendez, il se prépare sur l'adolescence. Il a tout fait sur l'adolescence. Mais retrouver sexuellement. Et sur les personnes qui étaient arrachées à la danse. Ah, mais tu l'as vu, donc, toi. Ah, ça doit être bien, ah, ça. Ah, bah, c'est bien. Ça m'étonne pas, ça. Ça fait style, là. Sur, mais en fait, tes premières relations sexuelles. Sur voilà. L'orientation sexuelle et sur l'amour et sur la quête identitaire, voilà. En adolescence. Donc, ça parle de ça. À travers des états d'âme, d'ado. Non, moi, ce que j'aime, c'est que... Mais le martien, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Mais c'est ça, mais ça, c'est typique de ces films où c'est, le personnage qui est principal, qui se balade, et c'est le seul qui voit, il voit un martien, durant plusieurs moments, du film où qui zappe des personnages en fait au rayon laser et il les voit disparaître en fait et c'est le seul qui voit ça et c'est un film qui est sous acide, pourquoi, mais on ne sait pas. Ah bah je crois qu'il a dit sous acide, il y a un indice. C'est un film, c'est des abus, c'est le reste de drogue de tous les adolescents ou son reste de drogue de la nuit. C'est un peu ça. C'est surtout, ouais, non, je disais, moi, ce que j'aime chez lui, c'est une esthétique, c'est des décors, c'est beaucoup de street art, c'est beaucoup de couleurs extrêmement saturées, de couleurs de cheveux aussi, c'est le casting qui est assez rigolo, on trouve quand même, on trouve Ryan Phillippe, on trouve Shannen Doherty, on trouve Heather Graham, on trouve Mena Suvari quand elle avait 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, ouais, à l'aise. Et, il y en a d'autres encore. Bref, c'est un peu, mais en fait, il a un peu la même démarche que Tarantino, en tout cas, avait à l'époque de retrouver des vieux acteurs de séries. Attends, Mena Suvari a 13 ans et tu dis vieux acteurs. À cette époque, non, mais les autres, les jeunes, ils avaient déjà commencé dans des petits rôles. Et ouais, j'ai dit Ryan Phillippe à cette époque-là. C'est ça qu'il aimait, il aimait ressortir des acteurs de seconde zone, et enfin, il aimait dans ce film. Mais c'est lui que j'ai vu commencer Gordon Lewitt dans ce film, Joseph Gordon Lewitt, et d'autres, quoi. J'ai vachement de mal, j'aurais quand même dû écrire un... Ah oui, je confirme, bah, surtout sur ton film, à la con. J'aurais quand même dû l'écrire. Tu veux dire, non, mais bon, on va dialoguer plutôt. Bah non, parce que moi, j'ai pas vu. Je l'avais pas vu, je l'ai revu il y a deux jours, je l'avais pas vu depuis au moins 10 ans. Non, un peu moins quand même, mais je l'avais vu depuis un bail. Et non, j'ai repris énormément de plaisir à le voir, mais ce qui m'a marqué, c'est que ça m'avait pas mal, ça m'a choué énormément. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, j'attendais les martiens, les buts un par un, parce que j'en avais marre. Ça m'a fait kiffer énormément. Donc c'est comme un slasher, sauf qu'il meurt pas. Non, mais voilà, mais ça, j'ai attendu le martien, les buts, je voulais que le film suive. En plus, il dure 1h20. C'est ça, il est extrêmement court, en fait. Et je voulais, j'en avais marre. J'ai dit, je vais regarder, je vais le faire lire, mais je voulais mettre x2 et vas-y. Apparemment, il y en a qui l'ont fait le x2, je dénonce pas, mais. C'est très marrant à faire, d'ailleurs. Oui, j'imagine. En fait, de base, il est pas crédible le film, alors c'est encore moins crédible avec des voix de chipmunk. Alors, j'imagine une branlette avec la voix de chipmunk en x2. Vous voulez regarder en VF, quoi. Bah, de toute façon, bah, si tu mets en x2, tu peux pas regarder un film indépendant, genre, qui a été tourné avec 50 000 $ quand même, avec une VF, tu t'attends vraiment à un bon. Bah, Jack Frost a été tourné pour 10 000 balles, on l'a regardé en VF, c'était mieux, hein. C'est atroce, quand même. Mais Jack Frost, même. Bah, imagine-toi, que tu vas lire les sous-titres et supporter ce truc-là. De toute façon, en x2, t'auras une voix de chipmunk. Mais je suis pas d'accord, parce que moi, justement, le coût, d'un film avec 50 000 $, moi, je trouve ça extrêmement crédible, moi, je trouve ça super bien, c'est ce qui est fait quand tu vois, la plupart des navets qui sortent à 200 millions, quoi. Ouais. Donc, je trouve ça assez, non, mais l'argent, ça veut pas dire la qualité, hein. Bah oui, moi je suis pas d'accord. Bah je dis en quoi tu l'aimes pas, parce que moi je trouve il y a l'esthétique. Je trouve les décors sont terribles. Est-ce que c'est un travail de décor ou un travail de repérage, parce que le décor je suppose qu'il les a pas construits pour ça. Mais bien sûr que si, en fait c'est bourré de street art dans tout le film en fait. Oui, mais c'est pas c'est du repérage, je sais pas, ils l'ont pas. Si parce que même genre il y a un des personnages qui enfin même plusieurs personnages, leurs chambres sont complètement décorées. T'as une fille, tu vois, genre c'est un jardin sa chambre, tu vois. Il y a des plantes partout, il y en a un autre, c'est il y a d'écriture au mur. Le personnage principal dans sa chambre, c'est sa photo, lui, avec des flingues, mais en tag, en fait, puis plein de trucs, en fait. Je ne dis pas qu'il est pourri, mais le scénario vaut rien, quoi. Il n'y a pas de scénario. Oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas de scénario. Mais comment tu veux que je m'attache à un personnage que je. C'est une tranche de vie, quoi. Même pas. C'est ça. Ah, mais c'est un peu comme. Non, mais c'est une tranche de vie que. Peut-être que là, j'ai la trentaine bien placée. J'aurais peut-être à 20, quand j'aurais 18. Quand tu avais, du coup. Quand j'aurais. Oui, quand j'avais. Quand j'ai eu. Encore mieux. Bon, c'est Benjamin Gates, peut-être. Non, Benjamin Button, c'est pas le même. Le son nom de scénar, c'est que le personnage principal est amoureux d'une nana. Ils vont aller une fête le soir. Il la suit toute la journée, c'est sa nana, mais elle est en mode polyamour. Les polygames, c'est ça. C'est la quête d'amour de ce personnage, mais comme il a dit, c'est très très court, donc t'as pas vraiment le temps de te mettre dedans. C'est plus une sorte de c'est un énorme trip en fait. Voilà, c'est ça, parle beaucoup, enfin il y a beaucoup de trucs de fantasme en fait. Oui, non, mais c'est pas faux en fait. Hein. C'est du fantasmé, c'est ultra sexualisé, mais à côté de ça, c'est vrai que je trouve ça assez vide. Alors autant le décor, c'est ultra coloré, ça je ne dis pas qu'on c'est... Pour moi, c'est plus des photos en fait. Moi, j'allais dire, c'est un film de photographe. C'est exactement ça. C'est un film de pose, oui, enfin, c'est posé, c'est des. Il l'aurait fait plus court. Il l'aurait fait plus court. 45 minutes, tu peux. Mais 45 minutes, c'est pas un film. Oui, mais voilà, mais un court métrage, mais ça, c'est. Oui, mais 45 minutes, t'as pas d'exploitation, alors que sur 1h20, tu peux avoir une exploitation ciné, 45 minutes. Oui, voilà. C'est trop long pour qu'est-ce que c'est. C'est pour moi. Bah, en fait, non, c'est surtout pas assez long, parce que t'as pas le temps de développer, justement. Ouais, c'est plutôt en fait, ça. Peut-être que si c'était plus long, tu peux mieux développer tes personnages et avoir un film. Non, moi, je l'ai pas vu, j'avais pas envie, en fait. Non, mais par curiosité, je le verrais bien. Pour l'esthétisme. Oui, si ça avait été plus long, peut-être qu'on aurait compris pourquoi il y a un alien. Ou peut-être pas. En plus, c'est une secte qui doit capturer l'alien, non, donc c'est une voiture, là, non. Non, ça, c'est un gang. À un moment, il y a un gang. Ouais, c'est pas une secte, c'est un gang. Il y a une nuance de taille. Ça ah, oui. Les Atari, ouais. ST ou 2006? Non, c'est notre rapport au groupe, hein, parce que c'est la musique qui est hyper influencée industrielle. Il y a un groupe qui s'appelle Atari Teenage Riot. Je fais votre culture. Merci, mais Atari, c'est une console, c'est surtout de la fin. Je jure que je n'ai jamais été si déprimé, malheureux et solitaire de mon existence tout entière. Ouvre-moi cette putain de bordel de porte! Ouvre! La ferme, la ferme, la ferme, la ferme! Supplie-moi. La fête de Jujifruit ce soir. Des fringues. Alors, tu as trouvé l'adresse de Jujifruit pour ce soir? Jujifruit fait une fête ce soir et je ne sais pas avec qui je vais y aller. J'ai l'impression de couler de plus en plus vite dans des sables mouvants. Je vois tout le monde autour qui meurt. Leur agonie est longue et cruelle. Oh mon Dieu. Et que la fête d'amour commence. Eh, les morpions! Où est-ce que vous allez? Il paraît qu'il y a une fête chez Jujifruit. Mel, il faut qu'on cause. Viens, connard! Allez, viens, trop d'équipe! Los Angeles, c'est genre nulle part. Tous ceux qui vivent là sont paumés. Et ouais, non, mais j'aurais dû présenter, je refais le mois prochain. j'en ferai un deuxième en même temps. Non, vu que le mois prochain ça va être les films fous, bah, ça peut c'est passer. C'est un film fou, en fait, exactement. C'est un film fou. Et c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais je... Comment tu as vu le film pour la première fois? Comment je l'ai découvert? Ouais, voilà, comment tu l'as découvert? On t'a pensé à le voir? J'avais vaguement entendu son nom. Je pense qu'on l'a forcé, il a eu le syndrome de Stockholm. Je traînais sur des forums. Je traînais sur des forums, mais c'est un réalité assez cul dans l'underground, exactement. Dans le milieu gay. Cyberpunk, gothique. Cyberpunk. Cyberpunk. Complètement. Hein. Dans au niveau de la musique, moi, sur des forums que je traînais, ces mecs-là connaissaient bien parce que, bah, en fait, si, quand t'écoutes son son, il y a beaucoup de ministries, il y a beaucoup, du Nine Inch Nails, et bah, mal de sons que écoutaient les mecs qui écoutaient de l'Indus, et, si, un peu de cyberpunk, d'électro dark, ce genre de choses à l'époque, c'est comme ça, ouais, que j'ai découvert, ouais. D'accord. Et moi, si, bah en fait, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais ado, comme toute sa filmographie. J'ai grandi avec ses films et donc avec ses personnages, auxquels je trouve qu'il y a des thématiques qui, quand t'es ado, tu peux te rattacher facilement. C'est la bande son, puisque la bande son que j'adore, quand il y a du Slow Dive, il y a du Sigur Rós, il y a du Filter dans ses films, du Nine Inch Nails, qui est mon groupe préféré accessoirement. Et il a les mêmes goûts musicaux que moi, quoi. Il a le même niveau esthétique, quoi. Il fait des tableaux hyper saturés. Moi, ça me rappelle pas mal de photographes comme Martin Parr, comme d'autres qui saturent hyper leur couleur, en fait. Et ouais, moi, j'ai découvert quand j'étais étudiant en cinéma, ça m'a beaucoup plu. Je trouvais que ça, justement, c'est un film qui ressemble pas à d'autres films. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail de recherche, ouais, là-dessus. Ouais. Et puis c'est une proposition différente, justement. Mais c'est sûr que tu peux pas t'attendre à... Je m'attends à rien. J'ai dit je vais le voir et je m'attends. Mais je voulais te dire. Et regarde pas les films en VF, quoi. Mais qui fait ça, quoi. Moi. Mais franchement. Moi, je regarde. Qui fait ça, quoi. Moi, ça dépend des jours. Étudiant en cinéma, ouais, pourquoi pas. Il y a des nuances que nous, on voit pas forcément. Bon, même en tant qu'étudiant en cinéma, moi, c'est jamais passé à qui. T'avais jamais trop fait d'efforts, quoi. Il y a énormément de références à l'expressionnisme aussi, c'est au niveau justement au niveau de la pollution de personnages dans le décor, les gros plans, il y a énormément de gros plans sur les têtes en fait, et ça me rappelle pas mal le travail de Terry Gilliam en fait, tout simplement, et ce genre de choses. Quelqu'un d'amateur, ça reste un film un peu cher. On fait un podcast sur le cinéma. Non, c'est vrai, ça nous permet d'avoir une proposition différente. Je ne descends pas le film. Peut-être c'est pas pour moi. Voilà, je l'ai mal présenté, mais au moins je fais. Non, tu l'as très bien présenté. J'ai une proposition nouvelle. Voilà. C'est vrai, bec et ongles. Et après, il a continué sur des films avec de plus en plus de budget, il a beaucoup plus de succès. Son dernier film, c'était White Bird and the Blizzard, qui a rencontré pas mal de succès aussi. Bah, Kaboom, déjà, ça avait bien marché. Ça avait même marché à Cannes. C'est un film production française. Il commence à avoir un nom un peu plus mainstream, quoi, tout en gardant une esthétique quand même reconnaissable. C'est bien de rester, parce que là, tous les films de maintenant, tu vas pas différencier un réalisateur, ou tellement que c'est clean, tellement que c'est... Exactement. Il y en a quand même que t'arrives encore à différencier, mais un peu moins. C'est-à-dire, quoi, aussi, en ayant vu celui-là, ça encourage pas trop à voir les autres, et c'est peut-être ça qui est dommage. Les autres sont mieux et ont plus de succès. Moi, je dirais pas que c'est mieux, je dirais que c'est différent. Ils sont plus conventionnels. Voilà. Disons qu'ils sont plus conventionnels. Ces premiers films, oui, c'est vraiment. Oui, je pense que c'est un film de mecs qui sortaient d'école de cinéma et qui a testé pas mal de choses. Non, ils sortaient d'école de photo, oui. Qui sortait pas mal de... Enfin bref, qui a testé pas mal de choses. Après, il a commencé à faire des films plus scénarisés, puis surtout pour avec des boîtes de prod, du budget, machin. Là, on parle, là, c'est 50 000 dollars, mais son film d'avant, c'était 25 000, puis le film d'avant, c'était 5 000, tout court. Quoi. C'était tourné avec rien, quoi. Mais quand on regarde un mec comme Gus Van Sant, c'est pareil, hein. Quand il a commencé, c'est un de ses films... Moi, je suis dans cette mouvance-là, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien, et c'est des mecs qui sont intéressants qu'avant de faire un Will Hunting, il a commencé à faire des films compréhensibles difficilement. Il a fait Psycho. Oui, mais ça, c'était bien après, quoi. Bien après. C'était avant Will Hunting, Psycho. Mais bien après être connu. Ah hein, oui, tu oui. Will Hunting, c'était un exemple parmi d'autres, mais il a fait ses premiers films, genre Malanoche et tout ça. Regarde, par exemple, j'ai vu, et pourtant, celui-là, il est connu, mais après Elephant, il a fait le film avec, Jerry. T'as déjà vu Jerry? Dans le désert, là, avec le frère de Ben Affleck. Exactement, avec Casey Affleck et Matt Damon. Ça a l'air bizarre, ce truc. C'est taré comme film, tu vois, c'est pas, tu peux pas mettre, tu regardes pas ce film, t'attends vraiment un film ultra scénarisé habituel. Bah non, on dit le mec qui est tout seul dans le désert, il marche. Ils sont tous les deux, ils marchent pendant une heure et demie, ils sont perdus. Et ils se parlent pas. C'est très métaphorique et c'est très intéressant aussi. Il a une esthétique magnifique. Quoi. Très intéressant, je suis pas sûr à 100%. Ben en fait, je sais pas, moi je trouve que si. Quoi. Oui, voilà. Ça donne une dimension artistique au cinéma et pas juste divertissante. À la base, c'est censé être le 7ème art, quoi. C'est pas censé être le. Oui, mais c'est pas censé être le 3ème divertissement, quoi. Je veux dire. C'est quand même du divertissement. Il y a un peu des deux, quoi. Mais bon. Là, je sais pas, je trouve ça. Enfin, je trouve ça cool, quoi. Ah, bah c'est bien, quoi. Pour poser les choses un peu plus. Bah, ce qui est bien, c'est que chacun aussi peut y trouver ce qu'il veut au cinéma, c'est l'intérêt. Bon, bah, vous m'avez bien gonflé, en tout cas. Voilà. Vous m'avez bien fait chier. Je suis pas sûr d'en revenir. Bon, bah, le mois prochain, je fais American Pie, hein, comme ça. ils seront tous contents, hein. Alors, puisqu'on parle du mois prochain, donc ça va être les films fous. Bah, tiens, je vais commencer. Donc, moi, je vais parler de The Wall. Walid. J'ai rencontré le diable. Ah, c'est bien. T'es sympa? Oui. Héloïse, t'avais pris quoi en film fou, toi? L'entre de la folie. Raphaël. Moi j'avais prévu Itchy the Killer, mais je crois que ça va être beaucoup trop. Itchy the Killer, beaucoup, c'est un peu moins intellectuel. Takashi Mike, intellectuel. Takashi Mike. Nickel, pardon. Bref, Emily, toi c'est. Fight Club. Et toi mon Julien? Haute voltage, je crois. Haute voltage. Non, haute tension. Haute tension. Ah, c'est bon. Non, pas haute tension d'ailleurs. C'est ce que hyper tension. Avec Satan. Haute voltige. Haute voltage. Haute voltige aussi, vas-y. Bon, bah voilà. C'est de la merde aujourd'hui. C'est ça. C'est de la merde. Marcellus Wallace. Wouh. Matt Damon. Tu veux pas un petit film avec Matt Damon? Bon, il y en a plein. Hein. Je sais pas, c'est pas ce que je te dis. Mais j'ai pas la série de Tiz. Non, mais je peux comprendre. C'est pas pour moi. Team America? Non, pas Team America, Matt Damon. Ah, Matt Damon, pardon. Je croyais que Team America, c'était pas si mal. Non. J'ai dit oui. Ah non. Si, ça déchire. Chacun ses goûts. C'est comme Gregor qui chacun ses goûts. Faut pas juger les autres. Du coup, il y a un film avec Matt Damon qui est passé il y a pas très longtemps avec Scarlett Johansson. Ça allait. Il était pas aussi gogol qu'il en avait l'air. Ah bah non, mais c'est dans Team America, il a l'air très con, mais c'est un film. Hein. Et c'est une marionnette. C'est marrant, quoi. Ah bah oui. Et du coup, moi, je suis resté sur les clichés, tu vois, je crois tout ce qu'on dit. Ah oui, quand même. Bon, et bah sur ce, en tout cas. On est content de ta révélation de fin, hein, ça... tu crois tout ce qu'on te dit. Ouais. Ouais. Bon, bah, sur ce, à la prochaine, et puis bah, merci d'avoir nous avoir suivis, d'avoir participé. Merci, salut. C'était de la merde, hein, ce mois-ci. C'était dégueulasse. Ah, chier, c'est pas possible.